Il y a encore des embellis, des vents magnétiques dans le lit, ta voix qui murmure de belles mélodies. Il y a encore cette beauté que je tiens avant qu'elle vienne à s'échapper. Ta voix qui murmure, c'est bientôt l'été. Il y a encore le temps de s'épanouir. Il y a le temps de s'épanouir. Le Il y a encore l'infini matin où le jour nous attrape et nous tient. Ta voix qui murmure des promesses au loin. Il y a encore de la vie qui circule dans tous les ventricules. Ta voix qui murmure de belles mélodies. Il y a encore le temps de s'épanouir. Il y a le temps. C'est pas vrai.